dans ma décapotable le long de la plage, dans mon autoradio cassette, entre deux titres de City Pop, j'écoute Galaxy Pop, un label au top. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blindcast. Aujourd'hui, ça va être un Blindcast en famille. Donc aujourd'hui, autour de la table, et comme d'habitude, j'ai avec moi pour présenter et animer Sixties. Salut à tous! Et pour jouer, on a Joseph. Bonjour. Et Louloute. Bonjour. Ok, bon bah très bien, tout le monde est en place, on attaque tout de suite? Oui. Ou vous voulez parler un petit peu avant? Non, c'est bien. Vous êtes content de faire ce Blindcast? Oui. Vous êtes content d'être en vacances? Oui. Bon, on souhaite bonnes vacances aux auditeurs. Oui. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Surtout à Dani qui vient de revenir. Bonnes vacances. Bon, alors on attaque? Allez, oui. Allez, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Film 1. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Allô maman, ici bébé. Très bien. Oui. Bravo. Bravo Jojo, c'était bien. Allô maman, ici bébé. Joli. Rapide. Rapide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, sur Allô maman, ici bébé? On va commencer par Lou, tiens. C'est un film. Oui. En fait, il y a une fille qui s'appelle Molly et elle a un bébé. D'accord. Bon, et toi Jojo, qu'est-ce que tu peux dire dessus, alors, s'il te plaît? Bah, il y a un bébé et puis on l'entend parler alors que, en fait, on l'entend un peu ses pensées. Mais sinon, dans la vraie vie, ils ne parlent pas vraiment. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait l'originalité du film, voilà. C'est que c'est à travers le bébé. Voilà. On comprend ce que pense le bébé, on voit voilà. Le film à travers les yeux du bébé. C'est ça. D'accord. Puis on sait qu'il aime bien, comment il s'appelle déjà, James. James. James, John Travolta, donc l'acteur oui. Qui joue James, qui est un chauffeur de taxi. Oui, et qui fait n'importe quoi. Ouais, un peu, oui. Et que sa maman rencontre par hasard en allant à l'hôpital. Oui. Et vous, c'est un film que vous avez aimé? Bon, Louloute, on va commencer par toi aussi? Oui. Oui? Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dedans? Bah, le fait que c'était drôle que le bébé parle. Ouais. Et toi, Jojo, t'as aimé ce film-là? Oui, sauf que Louloute, bah, l'a mis trop de fois, du coup, à la fin, ça m'a un peu énervé. La musique, c'est pas au début du film? Si, si, cette musique-là, si, elle est au tout début du film. C'est vraiment le générique. C'est le générique, c'est les Beach Boys. Mm-mm. Et toi, Sixties, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le film, toi qui as fait des recherches poussées? Bah alors, c'est un film sorti en 1989. Donc, c'est réalisé par Amy Eckerling. Et la musique, c'est bien, enfin, celle du générique, du moins, c'est I Get Around des Beach Boys. Donc, moi, c'est un film que j'ai découvert aussi quand j'étais gamine. J'ai dû le regarder aussi pas mal de fois, un peu comme Lou. Et donc on est sur une fille qui est comptable et qui a une aventure avec, avec son client. Et il lui fait un bébé, sauf que son amant, bah, il la trompe. Bah, c'est plutôt l'inverse, c'est elle la maîtresse. Oui, c'est elle la maîtresse, mais il la trompe du moins, enfin, il a deux maîtresses, quoi. Ouais, non, l'autre, c'est sa femme. Non, parce qu'il a, encore une autre aventure avec une autre, ah, sa femme. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Il est un peu volage, le gars. Hein. Ouais, c'est un peu un sale type. Et donc, au moment d'accoucher, elle va prendre un taxi et il va se passer, une histoire avec le chauffeur de taxi, James. Voilà. Incarné par Travolta, que le bébé aime beaucoup. D'ailleurs, la voix française du bébé, c'est Daniel Auteuil. Oui. Voilà, ça fait un peu bizarre de voir Daniel Auteuil en bébé. Et je crois que la version originale, c'est Bruce Willis. Oui, c'est exact. Ouais, c'est Bruce Willis. Donc, il avait déjà joué avec Travolta avant Pulp Fiction. Et moi, j'aime bien ce film, il est feel good. Quand Loulou le regarde, ça m'arrive de me pencher dessus aussi encore un peu. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est un film que j'avais vu gamin, que j'aimais beaucoup. Je sais qu'il y a une suite, mais je crois pas qu'on l'ait revu, la suite. Non. Je l'ai pas vu passer. C'est l'année d'après que Allô Maman, c'est encore moi. Ouais, c'est ça, où il a une petite sœur. Ah oui, une petite sœur qu'on voit au tout début. Ouais, donc... c'est des films que j'aimais bien. Moi, j'aimais bien quand j'étais gamin. Puis même là, le revoir, en fin de compte, ça passe bien. C'est plutôt sympa. Travolta joue bien. L'actrice qui joue Molly, c'est celle de Terminator, je crois. Non, c'est pas Sarah Connor, tu penses? Non, c'est pas Linda Hamilton. Non. C'est Christy. C'est Christy Allen, oui, t'as raison. Christy Allen, voilà. Oui, qui est décédée récemment, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais. Oui, t'as raison, c'est Christy Allen. Mais ouais, c'est un film que j'aimais bien quand j'étais petit, et là, j'ai eu assez de plaisir à le revoir avec les gamins, et. C'est une bonne transmission de film, en fin de compte. Oui. J'ai été moins surpris qu'en revoyant Police Academy, qui était extrêmement vulgaire, en fin de compte. Celui-là, ça va. Oui, il passe, il passe. Ouais, il passe. C'est familial, quoi. Même pour les adultes, c'est vrai qu'on s'ennuie pas trop, ça va, c'est pas trop long, il y a des trucs sympas, donc ça passe bien. Ça passe. Bon, en tout cas, bravo, vous avez votre premier point, bravo à vous deux. Je l'ai trouvé rapidement. Ouais, t'as trouvé très rapidement, et c'est vrai que vous jouez, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais vous jouez en équipe, hein, pas l'un contre l'autre. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, si on n'a rien de plus à dire sur Allô Maman, ici bébé, je pense qu'on va attaquer la suivante. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est parti, musique suivante. Thank you. Les deux super flics. Bravo. Très bien, bravo Jojo, c'est bien les deux super flics. Ouais, on était sur les faciles, hein. On n'avait pas rappelé la façon de procéder tout à l'heure, mais on a des films faciles au début, et plus le temps avance, plus les films vont être difficiles. Je me rappelais plus qu'il y avait cette chanson. Ouais. Ou en tout cas, plus les thèmes vont être plus durs à reconnaître, sont peut-être un peu plus passe-partout et passe-partout. Plus spécifiques. Voilà, donc oui, là on était sur deux super flics, donc un film italien. De avec, Enzo Barboni. Voilà, sous pseudonyme je crois, I.J. quelque chose, c'était son pseudonyme habituel, avec Bud Spencer et Terence Hill. Ouais, donc, je les aime bien. Eux aussi, c'est pas leur vrai nom. Bon bah du coup, Joseph, qu'est-ce que tu peux nous dire sur deux super flics? C'est l'un de mes préférés films. Film préféré, d'accord. Oui. Et est-ce que tu peux nous le résumer un petit peu? Oui. Bah, il y a deux policiers, enfin, qui veulent devenir policiers, ils se rencontrent un moment dans la rue. Et puis, bah, ils voient une bande de voyous. Et puis, bah, ils vont leur casser leur voiture et les tabasser. Et puis, après, au milieu du film, bah, ils les revoient, bah, ils vont encore les tabasser. Et puis, à la fin du film, et bah, ils voient tout le monde et puis et c'est dans un bowling et ils font des strikes avec les gens. D'accord. Bon, en gros, ils passent leur temps à taper sur tout le monde. Oui. Voilà. C'est ça qui est très drôle, quoi. Voilà, oui. C'est ça qui vous fait beaucoup rire. Oui, au départ, c'est pas des flics, hein, c'est des petits malfrats et qui s'engagent par hasard chez les flics parce qu'ils croient braquer une banque ou un truc comme ça et ils se rendent compte qu'ils sont chez les flics. Du coup, pour pas se faire coffrer, ils disent qu'ils veulent rentrer dans la police. Oui, et au début, ils sont pas trop amis. Au début, non, ils sont pas trop amis, non, effectivement. Lulu, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu en as pensé du film? Bah, j'aimais beaucoup parce que c'était rigolo, j'aimais bien quand c'est un film de bagarre, et du coup, j'aime bien quand tu mets des baffes et tout ça. D'accord, ok, donc t'aimes bien parce que c'est un film... T'aimes bien parce que c'est un film où ils mettent des baffes, en fait, c'est un film de bagarre, oui. Mais rigolo, quoi. Oui, il y a le bruitage qui va avec, ça fait très cartoon, très gag, en fait. Donc, et toi, Sixties, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, alors moi, j'ai pas été bercée par ça, gamine. C'est un film de 77. Et j'ai pas... Moi, c'était plutôt la team Depardieu, Pierre Richard, que je regardais beaucoup. Donc ça, je connaissais pas trop. Donc j'ai découvert il y a quelques années avec toi. Et en même temps que les petits. Et ouais, c'est un bon moment. C'est drôle, quoi. D'ailleurs, il est repassé il y a pas longtemps, je crois, à la télé. Ah oui, c'est possible. Oui. Il repasse assez souvent, notamment sur Gulli. Bah, oui. Et la musique, ou elle est... Neuf. Pardon. Non, non, vas-y. La musique, elle est signée Guido et Maurizio De Angelis. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite info. C'est au milieu du film, à peu près. Oh non, elle est à peu près tout le temps dans le film. Hein. C'est la même musique. Ah oui, quasiment le générique. Tout le long du film. Tu l'as au générique, tu l'as au milieu, tu l'as dans la bagarre finale, tu l'as à la fin. Ils s'embarrassaient pas à faire des grandes soundtracks. Mais elle est bien quand même. Bon, elle est rigolote, mais au bout d'un moment, c'est un peu longué, mais elle est rigolote. Moi, je me rappelais plus de la musique. Ah, mais ça arrive, c'est pas grave. Donc, ouais, moi, c'est un film avec lequel j'étais bercé pour le coup, par contre. Même si c'est un film de 77, je crois que tous les films de Bud Spencer et Terence Hill, quand j'étais petit, je les ai tous bouffés. Sauf Lucky Luke. Si, Lucky Luke, je l'ai vu aussi, mais Lucky Luke, c'est que Terence Hill, et non, j'aimais déjà moins Lucky Luke. La Trinité. Ah, Trinita, c'est bien. Ah oui, Trinita. Et avec les Dalton. Père et un père. Père et un père. Mais en fait, tous les autres sont pas terribles, hein, à part les Trinita et les deux super flics. Le reste, ça a quand même assez mal vieilli. Oui. C'est pas toujours j'avais fantastique. J'avais bien aimé Père et un père, moi. Oui, bah, c'est gentil, quoi. Mais bon, c'est vrai que. Bon. Je préfère les deux super flics, oui, que je regarde toujours avec aussi. Plaisir, alors que les autres, des fois, je me dis c'est un peu longué, c'est pas toujours bien joué. Moi, c'est un peu long, quoi. Voilà. Après, le meilleur de Terence Hill pour moi, ça reste Mon Nom et Personne, mais c'est pas le débat. Bon, en tout cas, bravo. Ah oui, d'ailleurs, il est là. Oui, il est là. Vous avez deux points. Bravo. Bravo, les deux premiers points. J'ai deux sur deux. Trouvé rapidement. Peut-être les plus simples, hein, a priori, mais vous les avez eus. J'ai bravo. Encore trouvé rapidement. Oui, t'as encore trouvé rapidement. Bon, ça va se corser un petit peu. Vous êtes prêts pour la suite? Oui. Donc Jojo, cette fois par contre, tu vas laisser une dizaine de secondes à Lulu pour répondre. D'accord. D'abord si elle l'a. Mm-hmm. On y va. C'est parti. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, ah, oh yeah. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Oh, peaches, peaches, peach, peach. Mario. C'est bien, bravo Louloute. L'avait. Oui, oui, je sais que depuis le début. Mais il faut laisser Louloute répondre et participer aussi. La première seconde. Oui, bon. Donc bravo Louloute, c'était bien Mario, le film Mario, la chanson de Peach. Alors pas celui de 93, hein. Non, j'aurais peut-être pas poussé la vacherie jusque-là. C'est plutôt 2023. Ça aurait été méchant, en plus il est nul. Oui, il est quand même pas terrible le film de 93. Ouais, on parle bien du film d'animation de 2023 des studios Illumination. Voilà, et c'est réalisé par Aaron Horvath. Voilà, et la chanson Peach est interprétée par Jack Black. Exactement. Ouais, après, enfin, après il a fait des mauvais films. Il a fait beaucoup de mauvais films, oui, aussi. donc, qu'est-ce que... Bah, tiens, Joseph, qu'est-ce que tu peux dire sur Mario? Bah, j'aime beaucoup. Oui, mais est-ce que tu peux expliquer un peu le film? Bah, déjà, je le préfère à celui de 1993. On sera tous d'accord là-dessus? Oui. C'est l'histoire de Mario, tout simplement. Du jeu vidéo? Du jeu vidéo. Déjà, donc, j'aime beaucoup le jeu vidéo. Bah, il y a Bowser et bah, il veut prendre la princesse Peach, mais Peach, bah, elle veut pas. Oui, on peut dire ça, oui. Et donc Mario avec son frère. Ils vont aller essayer de le combattre. Oui, mais d'abord, il débarque par hasard au Royaume Champignon. Ah oui, au Royaume Champignon, il débarque sans faire exprès, dans les tuyaux. Ouais. Dans un tuyau. Et puis, bah, ils sont un peu surpris. Et non, et aussi. C'est Luigi, bah, il va dans le royaume hanté. Oui, ils sont séparés au début, oui. Oui, Mario, il rencontre Toad. Oui, ah, il rencontre Toad et après Peach, oui, tout à fait. Toad, c'est... il a changé. Voilà. Et donc, Loulou, est-ce que toi, tu as aimé ce film? Oui. Oui, et pourquoi? Bah, parce que déjà, j'aime beaucoup la chanson Peachounette. Ouais. Et j'aime bien Peach. D'accord. Et c'est un film qu'on est allé voir au cinéma ensemble. Voilà, ouais, on a été voir tous les quatre. Meilleur tous les quatre. Film. Enfin, l'un des meilleurs. Ouais. Aussi. Et donc, toi, Jojo, pourquoi tu l'as aimé, ce film? Bah, parce que déjà, j'aime beaucoup le jeu vidéo. D'accord. Et les graphismes sont très jolis, je trouve. Ouais, je trouve que la VF est pas mal non plus, aussi. Et toi, Sixis, qu'est-ce que t'en avais pensé? Bah, moi, j'ai passé un bon moment. En plus, bah, c'était ambiance cinéma, donc c'était très sympa. C'était très coloré, c'était tout à fait à l'image du jeu vidéo. Moi, j'ai bien aimé, il y avait un bon scénario, c'était bien fait. Et alors... bah, le scénario, c'est celui du oui, jeu vidéo. Oui, le scénario, hein, donc, ils ont mangé Mario Kart, Mario, ils ont fait Mario Kart. Un melting pot, mais oui, ça... Il est beau, ce film. C'était drôle. Au jeu, c'est pas déconnant. Ouais, c'est vrai, c'était voilà. Drôle. Et à la fin? Et à la fin, eh ben, il vit dans le royaume champignon. Eh oui. Tout à fait. Enfin, à moitié, parce que... Attends, je me... Ah bah oui, si, il a emmené toute sa famille dans le royaume champignon. Ouais, parce que dans le royaume champignon, c'est un héros, alors qu'à Brooklyn, c'est juste un plombier. Un plombier. Que personne n'aime trop à la base. Si, au mais début, il s'en moquait un peu, parce voilà. Qu'il voulait être indépendant. Sauf que, bah, après, c'est devenu aussi un peu le sauveur de Brooklyn. Eh oui, oui. Bah, et de la Terre en général. Oui. Bon, bah bravo, vous en êtes à 3 points, c'est très très bien. Bravo. On passe au suivant, tout le monde est d'accord? Vous voulez rajouter un petit mot sur Mario? Bah c'est très très bien Mario. D'accord. Et ça ressemble beaucoup beaucoup aux jeux vidéo aussi. Ok. Je trouve. C'est bien mais c'est bien fait. Fidèle. Ok, oui, par rapport au film de 1993, c'est plus fidèle aux jeux vidéo et à l'esprit du jeu oui, vidéo. Oui, je préfère ce Yoshi. Enfin, ouais, il n'y a pas que Yoshi qui est mieux fait. Bah la version 93 c'est en film. Toad il est mieux fait. Oui, Toad aussi, oui. Oui, c'est un film, mais bon, ils ont pris des libertés artistiques qui sont un peu... on se demande pourquoi ils sont passés par là. Ils ont mélangé Mario avec Mad Max et c'est un peu étrange. Ah bon? Bon, oui, bah écoutez, si tout le monde est d'accord, on va passer au film suivant. Ouais. Allez, quatrième. Quand même, il était ça facile. Commence à être un chouïa plus dur. Oh. C'est parti! Thank you. Wallace et Gromit. Ouais. Oui. Bravo, Joseph. Du lapin garou. Oui, c'est Wallace et Gromit et le mystère du lapin garou. Bravo, Joseph. Ah, c'est pour ça. Ouais, ça aurait été embêtant. Bah oui, tu l'as vu 150 fois à peu près. Le même jour. Ouais, on est monté à 4 fois le même jour quand t'étais petit avec Wallace et Gromit. Hein. Ça faisait beaucoup. Je me rappelle déjà plus ce que c'est. C'est les films du studio Harman en pâte à modeler. Avec le chien et l'inventeur qui se transforme en lapin géant. D'ailleurs, on l'avait vu au cinéma avec l'école. Vous avez vu d'autres Wallace et Gromit au cinéma, ouais. Ils effectivement. Étaient trop drôles. Bah, Joseph, est-ce que tu peux nous présenter Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou? Parce que tu en es un expert. Ah oui, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a un lapin. Il y a un lapin déjà qui est dans une forêt ou un endroit avec des arbres en tout cas. Je trouvais des lapins qui sont dans les jardins des gens. Dans les jardins des gens. Dans les potagers. Les potagers, dans les potagers. Et puis là, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est pas un truc de l'espace. Non, c'est Wallace qui est un inventeur. Il a inventé un extracteur de lapins. Donc il va dans les jardins. Il y a une sorte d'aspirateur géant. Il aspire tous les lapins. Ah oui, et sans faire exprès, bah, ils deviennent des... Non, c'est que après il les ramène chez lui et il veut reprogrammer le cerveau des lapins pour qu'ils arrêtent de manger des légumes. Alors du coup, il se branche lui sur le cerveau, enfin, il a une espèce de machine où il se branche lui et le lapin, et il essaye de faire comprendre au lapin que carotte, pas bon. Sauf qu'il y a un éclair, je crois, qui tombe sur la machine, et du coup, lui, il se met à avoir les pensées du lapin, il devient le lapin-garou. Un espèce de lapin géant après qui tout le monde va courir parce qu'il ravage tous les potagers. Moi, j'en connais que deux. De quoi? De Wallace et Gromit. Ah bon, et tu connais lesquels, Louloute? Celui avec le fromage. Avec la lune en fromage? Oui. Et celui où il y a le pingouin. D'accord, celui où il y a un pingouin qui veut le ramener, je crois. Oui, qui veut dire qu'il est mieux que le chien. Oui, d'accord, ça je me souviens. Ok, bah très bien. Et toi, Sixties, qu'est-ce que tu avais pensé de Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou? Oh bah je l'ai vu à peu près 150 fois aussi, par bribes. Donc moi j'ai bien aimé, je trouve que l'univers de pâte à modeler c'est top. C'est trop joli ça. C'est graphiquement c'est très sympa. Et après l'histoire, j'aime bien sans plus quand même. Ah ouais. Bah, l'histoire elle est assez bien gaulée et puis visuellement elle rappelle beaucoup de films de la Hammer, les films anglais des années 70, les premiers films d'horreur gothique, vraiment on a cette ambiance qui est là mais en pâte à modeler. Ouais. Et on a des petites références à King Kong à la fin. Ah oui, avec le lapin-garou sur la tour là. C'est ça, et qui essaye d'attraper les petits avions de manège. Oui. Après, bizarrement, j'ai un sentiment toujours un peu triste quand je vois ce film. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. C'est l'univers coloriel. Je sais pas. Il y a une ambiance. Triste, c'est pas si. Si je peux comparer à Mario, c'est moins coloré, quoi. Ah bah oui, c'est moins coloré. Bah déjà, c'est pas retravaillé. C'est l'éclairage peut-être qui. Je sais pas. Ouais. Bah aussi, c'est fait en pâte à modeler. Hein. Oui, bah c'est ça change tout. Moi, ça me fait penser un peu à L'étrange Noël de Mr. Jack. Ouais, parce que c'est aussi en pâte à modeler. Oui, c'est aussi de l'animation image par image en pâte à modeler. Oui. C'est très joli. Et donc, Wallace et Gromit, c'est un film de 2005. Ouais. Réalisé par Nick Park et Steve Box. Oui, donc les deux derrière le studio Harman, toujours. Voilà. Et la musique, elle est de Julian Knott. D'accord. Voilà. C'est un film que j'avais découvert en DVD, je crois. Je l'avais loupé au cinéma. Et comme je l'ai toujours aimé, tout ce qui était animation en stop motion, je m'étais jeté dessus. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce film. Très très long à faire. Ah, c'est très très long à faire, mais je trouve que ça a sa patte, ça a son charme. Oui, c'est très très joli. Il y a une réelle patte. Ça se voit qu'ils se sont donné beaucoup de mal pour faire ça. Oui, et puis dès qu'on voit un film du studio Hartman, que ce soit Chicken Run, Wallace et Gromit ou Pirate, on sait très bien à qui on a affaire. Ah oui, le Pirate. On sait très bien à qui on a affaire parce que ça se reconnaît. Oui. Même si la direction artistique n'est pas la même, on reconnaît quand même. Souvent, les yeux, ils jouent beaucoup. Yeux, la façon de bouger, l'humour, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Leur bouche s'ouvre très souvent élargie un peu. Ouais, ouais. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est aussi eux qui étaient derrière la série Shaun le Mouton. Ah bah oui, je pense. Oui. C'est... Moi, mon préféré épisode, dans les deux que j'ai vus, c'est la lune en fromage, quand même, mon préféré. Ouais, elle est assez drôle, la lune en fromage. J'ai toujours un truc avec Wallace qui est complètement fou de fromage. Avec ses crackers. Bon. Avec ses crackers, oui, tout à fait. Ah oui, avec... Il a construit une fusée pour y aller sur la Terre, mais il rencontre un robot. Ouais. À un moment, il n'y a pas un truc où il y a son chien, il veut lui donner des légumes. Non, c'est lui qui veut des légumes, après. Ah oui. Bon, bah très bien, bah bravo, vous en êtes à 4 points sur 4, c'est bien. Bravo. On va commencer, non, le prochain ça va encore, et après ça va commencer à être un chouïa plus dur. Ok. Vous êtes prêts pour le prochain? Oui. C'est parti pour le cinquième. Alors on y va, cinquième. Oui, oui, bravo. Bravo Lolo, tu l'as, c'était Scooby-Doo. Bien joué. Oh, mais voilà, parce qu'il a dit Scooby-Doo. Voilà, là, il le dit dans voilà, la chanson. Je savais bien que ça me faisait penser Scooby-Doo. À quelque chose. Scooby-Doo. Voilà. Oui. Mais j'ai pas vu tant de fois, je l'ai vu 3 fois. Ouais, bah t'as vu 3 fois les 2 films, tu les as vus 6 fois, quoi. Ouais, bon. Mais aussi ils sont pas loupés. Non, ils sont pas loupés, c'est plutôt amusant. Moi, mon frère... Et on parle de celui de 2002 ou 2004? Bah là, c'est la musique de 2002. 2002. Je préfère le deuxième avec les têtes. Enfin, il y a un truc... Il change d'apparence, enfin de... De corps. Oui. Mais ça, c'est le premier. Ah bah... Sur l'île avec Mr Bean. C'est mon... Ah bon? Bah oui, c'est Mr Bean, le... Enfin, ah oui, le méchant. Le presque méchant, oui. C'est Spooky Rowan. Island. Spooky Island, ouais. C'est moi, pas Rowan Atkinson. Moi, ce que j'aime Rowan bien Atkinson, dans ça. Les aventures de Scooby-Doo, c'est qu'il révèle le méchant. C'est quoi? J'aime bien quand il révèle le méchant, ouais, pour la savoir fin. Qui c'est. Ouais, d'accord. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, toi, Loulou, le film, tu l'avais vu aussi, le film Scooby-Doo? Non. Si. Si, je pense que tu... Mais tu t'en souviens plus, alors. Tiens, maman, mais c'est juste la chanson là, j'ai entendu Scooby-Doo-Bidoo. Et aussi coup, tout ce qui est rock avec les dessins animés des fois qu'on regarde, ouais. Ça nous fait beaucoup penser. Mais j'ai pas tilté. Bah, est-ce que tu peux résumer un peu le film, toi, Joseph, si Loulou ne s'en souvient plus? C'est pas un moment, ils arrivent dans une grotte. Ouais, ça, c'est la fin, la grotte. Ah, bon, bah attends. Au début, ils vont sur une île où ils vont résoudre une énigme. Voilà, parce que les jeunes. Il y a des phénomènes paranormaux. Polis. Ouais, les jeunes deviennent très polis quand ils parlent. Ah oui, c'est de pas l'île. Logique. Voilà. Et ils arrivent et puis ils se font un peu avoir. Bah, il y a des esprits. Voilà, il y a des esprits qui viennent un peu les hanter. Et du coup, bah, ils vont devenir un peu méchants et se rebeller contre leur équipe. Ouais, en gros, oui, bah, disons qu'ils vont être possédés. Un peu se battre. Ouais, ouais. Mais après, à la fin, il y a juste... Il y a Sammy, déjà, il s'est pas fait avoir. Ouais. Scooby-Doo. Ouais. Et c'est tout. Oui, c'est à peu près tout. Scooby-Doo, ouais. Il est trop drôle. Et aussi c'est Daphné, vrai. Non Je sais plus, là, pour le coup, mais... Bon, bon. En tout cas, après, ils vont arriver dans une grotte, ils vont trouver un chaudron où il y a toutes les têtes, ouais. Voilà. Et puis, bah, ils vont tous redonner leur âme. Et puis, ils vont un peu se mélanger à un moment donné. Ah oui, à un moment, ils vont un peu se mélanger. Daphné va arriver dans Samy. Enfin, non, pas dans Samy. Ouais, enfin, ils se mélangent. Voilà, ils se mélangent. Mais papa... Et c'est assez drôle. Ok, oui, Loulou. Comment elle s'appelle, l'autre fille, que Samy? Non, Samy, c'est pas une fille. Il y a Daphné. C'est Daphné et Vera, les deux filles. Vera. Et Samy, c'est le grand... Ah oui, C'est celui qui tient toujours Scooby-Doo quand Scooby-Doo il a peur. Voilà, Samy c'est le copain de Scooby-Doo, c'est ça. Et le deuxième, c'est pas celui dans un musée? Ça commence dans un musée, si, avec beaucoup plus de fantômes relâchés. Voilà. Et déjà, comment il s'appelle? Le monsieur, l'autre monsieur avec qui est blond. Fred? Oui, voilà. Oui, dans le personnage, oui, d'accord. Le héros principal. Ouais. Bon, très bien. Et vous aviez aimé les Scooby-Doo quand vous avez vu les films? J'ai adoré. Ouais. Bah, moi, je me rappelle plus trop, mais j'aime bien les dessins animés. D'accord. Sexiste, je sais pas si toi, tu les avais vus, les Scooby-Doo. J'ai pas vu les films. Par contre, je connais bien le dessin animé. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'univers aussi. Ok. Bah, et moi, j'ai oui. une question. Le film a été adapté en dessin animé ou c'est le dessin animé? Ah non, c'est le dessin animé qui était là bien avant. Le dessin animé Scooby-Doo, c'est vieux. Ça date des années 60. Ok. Il y en a eu plein. Il y avait même Scooby-Doo avec, comment il s'appelle, Vincent Price qui présentait à un moment donné. Donc la réalisation, c'est Raja Gosnell. Raja Gosnell, oui. Gosnell. Et la musique, c'est David Newman. D'accord. Bon, après, la musique, vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'était vraiment typique, la musique typique des années 2000. Le rock. Punk rock un peu gentillé. Mmh. Et le film, la réalisation, vaut ce qu'elle vaut aussi. C'est pas forcément toujours terrible. Mais ce qui est rigolo, c'est le casting qui est dedans. C'est quasiment tout le casting mélangé de Scream et de Souviens-toi l'été dernier. Ouais. On a Sarah Michelle Gellar, comment s'appelle son mari, celui qui a une tête d'endive. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui jouait dans Souviens-toi l'été. Freddy Prinze Jr. qui jouait dans Souviens-toi l'été. Bah, je sais pas s'il est bête en vrai. Il a une tête d'endive, il a pas de charisme, c'est lui qui joue Fred. C'est Matthew Lillard qui joue Sammy, c'était le tueur dans le premier Scream. Enfin, c'est tout un tas d'acteurs de films d'horreur. Sammy, c'était le méchant. C'était le méchant dans un film. Oui, dans Scream, c'était le méchant. Et dans Five Nights at Freddy's aussi. Mais ça, oui, c'est mais soit Sammy, un méchant, soit un débile quand il joue les films. Lui. Mais Sammy, il est gentil. Sammy, il est gentil. C'est l'acteur qui jouait des méchants dans d'autres films. Ah, voilà. Okay. Et moi, c'est Scooby-Doo. J'ai toujours adoré le dessin animé Scooby-Doo. Ah, oui, et ces films-là, bien. J'avais beau avoir 20 ans quand ils sont sortis, bah, j'étais les voir au cinéma quand même. Moi, j'ai vraiment bien. J'étais tout seul dans la salle, mais j'ai passé un bon moment à chaque fois. Ah bon, personne ne l'aime? Bah non, mais j'avais été les voir, par exemple, le premier, je l'avais vu quand j'habitais à Pont-l'Évêque, c'était un petit cinéma, et Scooby-Doo, c'était pas la grosse sortie. Il y avait 6 personnes, quoi. Ouais, non, là, j'étais tout seul. Bah, oh, ça devait être trop cool. Moi, j'ai la chance qu'ils ont diffusé le film. Ah, mais ça m'arrivait souvent d'être tout seul dans la salle, et les mecs me disaient, bah si t'étais pas là, on le diffusait pas, en fait. Bah non, ça doit être trop bien d'être tout seul. Ouais, j'avais vu Freddy vs Jason comme ça, enfin, ils savaient que dès qu'il y avait un film à la con, j'allais au moins être là une fois. Mais moi, mon personnage vraiment préféré, c'est Scooby-Doo. D'accord. Bah oui, c'est logique. Toi aussi? Non, moi, c'est Sammy. C'est Sammy? Il est bête. Et vous trouvez qu'il est bien fait, le Scooby-Doo du film? Je m'en rappelle plus. Ouais. Oui, enfin, bof, bof, avec ses yeux, des fois. Ah bah, sa bouche. Il est censé être dessin animé plus que chien réaliste. Hein. Oui, je sais, mais bon, il est drôle quand même. Bon, moi, je trouve qu'il est bien fait quand même. Donc, l'adaptation marche bien? Oui, très très bien. Bon, bah, parfait. C'est un très bon film. Ah bah, j'aurais pas été jusque-là, pourtant, je suis pas très objectif avec Scooby-Doo, mais... Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, c'est un moment sympa. Moi, j'aime bien. Bon, bah, parfait. Est-ce que vous voulez qu'on passe au suivant? Oui. Oui. Bon, bah, vous avez 5 sur 5. Joli. Ouais. Bravo. Alors, là, on commence à taguer ceux qui sont un tout petit peu plus durs. Disons que moins reconnaissables. Vous les avez vus, mais les thèmes sont peut-être un petit peu plus... Enfin, moins prononcés, quoi. Ok. C'est allez, dur. C'est parti pour le 6. Super. Thank you. Oui. Oui, bravo. Bravo Jojo, c'était bien Meet the Bad Guys. Ah ouf. Ah bah oui, voilà, je savais bien. Hein. Bad Guys, tu sais, Louloute, avec le loup, oui, le serpent. Le serpent. Avec le Peter, là. Oui, là, quand ils font l'enquête pour essayer d'attraper le dauphin d'or. Oui, je sais plus, c'est un dauphin d'or, mais ouais, oui. C'est ça, oui. Mais je me rappelle plus. Bon, on l'a vu il y a pas longtemps. Bah oui, je sais, mais je me rappelle plus la chanson. Ah, la chanson. Ah oui, la chanson, elle est pas reconnaissable. C'est ce qu'on disait, ça devient un petit peu plus difficile. Eh bon, j'ai quand même trouvé, je suis content. Ouais, c'est bien, vous en êtes à 6 sur 6. Louloute, okay. Est-ce que tu te souviens un petit peu du film et est-ce que tu peux en raconter quelque chose? Oui. En fait, ça parle des amis. En fait, ils essayent de prendre une troupe, le dauphin d'or, et je sais plus trop. Après, le loup. C'est une bande de loups-bars, en fait. C'est des voleurs, surtout. Oui, des voleurs. Les voleurs. Et après, le loup décide d'être un peu gentil, mais c'est un peu pour de faux parce que après, il prend la coupe. Et après, du coup, ses amis, croyant vraiment qu'il était gentil, ils n'étaient plus trop leurs amis, alors qu'après, ils sont redevenus leurs amis. Voilà, mais après, ils sont tous devenus gentils, surtout à la fin. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus sympa d'être gentil. Ouais. Oui, et c'était plus agréable. Et oui. Et je peux dire encore. Oui, Jojo, vas-y, oui. Il y a le loup qui est un peu le pro de l'intrusion. Oui. Enfin, qui aime bien s'introduire partout. Il y a de l'infiltration, l'infiltration. Il y a le serpent, son meilleur ami. Ouais. Je sais plus trop ce qu'il fait. Il est surtout méchant, le serpent. Oui, il est méchant. Le piranha, il aime bien se battre. Il y a la tarentule, elle aime bien les ordinateurs, tout ouais. ce qui est c'est une hacker, informatique. Quoi. Voilà. Informatique, ouais. Et il y a le requin, et lui, c'est le déguisement. C'est Shark. Ouais, le déguisement, c'est vrai qu'il est très très fort en déguisement. Moi, mon préféré, quand même, c'est un peu le poisson, des fois, parce qu'il fait que de péter. Ah oui, il pète beaucoup, le piranha, c'est vrai. Donc, est-ce que, Jojo, toi, tu as aimé le film quand tu l'as vu? J'ai beaucoup aimé au cinéma, oui. Vous l'avez vu au cinéma, je crois. Oui. Oui, vous l'aviez vu tous les deux, ouais, au cinéma. Oui, tout à fait. Et toi, Louloute, est-ce que tu te souviens que t'as bien aimé le film ou pas, déjà? Oui. Oui, c'était drôle, ça t'a plu? Oui, mais surtout les dauphins, requin. Requin, parce qu'il faisait que de se déguiser. Ah oui, ils étaient le pro du déguisement. Ouais, personne ne remarque alors que ça saute un peu aux yeux, c'est vrai. Un requin avec du rouge à lèvres. Et une robe, oui. Une robe rouge. Et une perruque. Et une perruque, oui. Mais c'est la perruque qui change tout. Et après on trouve que tout le monde est gentil. C'est vrai. Sixis, toi, t'avais été le voir donc au cinéma avec Joseph. Qu'est-ce que t'en avais pensé? Ah, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le rythme. J'ai adoré l'histoire, les personnages, les dialogues, la musique. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment au Cinoche. Et on l'a revu aussi... chez nous, j'ai toujours autant de plaisir, quoi. Enfin, j'ai bien aimé. Bon, bah parfait. Et toi ? Moi, quand je l'avais vu, c'était bien après vous. On va pas dire que j'étais réticent, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et on est d'accord, ouais. Et en fin de compte, c'est vrai que c'était très très bien. L'animation est super chouette. Ouais. C'est vraiment bien gaulé. Je crois que c'est du DreamWorks et l'animation est vraiment magnifique. Je crois que. Ah oui, c'est DreamWorks. Et on l'avait vu quand maman elle était à la danse. Ouais, peut-être, oui. Oui. Oui, c'est vrai que c'était à ce moment-là qu'on l'avait revu. Et non, j'ai trouvé ça déjà très très beau, plutôt bien rythmé, c'était pas mal écrit, c'était plutôt sympa, ça joue bien sur les stéréotypes. Et non, c'était plutôt un très très bon moment aussi. Ouais. C'est vrai que j'ai bien aimé Meet the Bad Guys et c'était pas, c'était pas gagné d'avance quoi. Ah bon ? Bah non, je partais un peu en faisant moi je joue. Oui, des fois ça peut faire réchauffer, chiant, ça peut faire... Ouais, je partais pas, pour me dire j'ai envie de regarder un dessin animé ce jour-là, et bon en fait, c'était pas mal du excellent, tout. C'était excellent, je trouve. C'est 2022. 2022, ouais, c'est tout frais hein. Ouais. Et la réalisation, c'est Pierre Périphel. Ok. Et la musique, c'est Daniel Pemberton. D'accord. Voilà. Je connais pas. Non. Pour l'info, quoi. Non, mais on fait un podcast sur les musiques de films, mais on connaît pas les compositeurs, donc tu sais. Bah écoute. Par contre, on a vu les films au moins, c'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà bien, c'est déjà bien. On donne des infos quand même. Est-ce que vous avez retrouvé toutes les musiques? Bah oui. Moi, je les ai cherchées, hein, donc. Enfin, maman, est-ce qu'elle les a toutes? Non, il y en avait qu'elle avait du mal, maman. Quand on a fait le tri. Ouais. D'ailleurs, tiens, petite addendum. Monsieur Rhône, si tu écoutes cet épisode, on sait que c'est facile pour toi. Ça va, c'est des films familiaux, t'as des enfants, tu les as vus, on sait. C'est pas la peine de dire que c'est trop facile. On te réserve le tien, t'inquiète pas. Tu m'en chier des ronds chapeaux. Oh oui, j'aimerais bien l'écouter, celui-là. Oui, oui, bah voilà. Il sera là. Il y aura le coup. Et j'espère. T'inquiète pas, Rhône, on sait que c'est facile. Tocheux, pareil, si tu y arrives, c'est très très bien. Même si t'as que 4 ou 5, ce sera très bien. J'en profite. Non, on a déjà 6. Voilà. Oui, oui. Non, mais je pense que tout le monde réussira à faire un beau score sur celui-ci. À part peut-être les derniers qui vont être un petit peu plus compliqués si ouais. on ne les a pas vus. Mais donc, si, c'est déjà bien. Quoi qu'il arrive, vous avez la moyenne. Bah, ouais. même un peu plus. Plus de la moyenne. Plus de la moyenne, oui. Vous avez 6 sur 6. Pas mal. Pas mal, pas mal. Vous allez faire aussi bien que Rhône. J'espère. Allez, on passe à la suivante. Oui. Oui. La numéro 7. Oui, bravo. Ah oui, dans le parc d'attractions. Quand ils volent le tableau. Oui. Ah oui, le tableau, quand il est comme ça, quand il est stressé et tout. Ouais. En fait, c'est la même musique que dans le film. Oui, quand il l'a repeint, oui. Bah, Lou, est-ce que tu veux parler un peu du film Mr. Bean? Je l'adore. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que, déjà, on l'appelle Dr. Bean, mais en fait, c'est pas vraiment un docteur. Du coup, je sais pas vraiment pourquoi on l'appelle le docteur. Parce qu'il pense que c'est un spécialiste en art, alors qu'en fait, c'est juste un gardien qui est assis sur sa chaise et qui dort toute la journée. Il a de la chance. Et moi, j'aimais beaucoup quand... À la fin, quand on voit qu'il a encore son petit doudou et les draps un peu de bébé, quand il l'avait accroché dans sa chambre, ça m'a fait beaucoup le rire. Tableau. Ah oui, il a accroché le tableau qu'il avait repeint lui-même. Et saccagé. Et quand il montrait le tableau, il disait « Oh, je veux plus voir cette horreur !» Ouais, oui, bah oui, forcément. Et du coup, après, celui qui a dit ne faites rien, et ben en fait, à la fin, il a dit mais comment vous avez fait pour le repeindre et tout ça? Et il avait mis un slip sur sa tête pour tenir la lampe torche. Oui, oui, c'est pratique les slips kangourous. Et oui, et aussi il avait mis des laxatifs dans le café du monsieur. Ah oui, il a, gardien, oui, et il avait rentrer. Mélangé toutes les clés. Mmh. Ouais, oui, c'est pour vrai. Pour pas aller aux toilettes. Le pauvre. Donc Jojo, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le film et est-ce que tu l'as aimé? Je l'ai beaucoup aimé. Mais en plus, c'est parti de rien sur le tableau. Il a juste éternué dessus sans faire exprès. Oui, puis après, il a voulu le nettoyer, il a frotté et puis il son l'a mouchoir était encore plein plus. D'encre. Non, son mouchoir était plein de white spirit. Non, d'encre. C'était non, de l'encre. En vrai, il y avait son bleu. Stylo. Ah et oui, c'était voyez... de l'encre bleue. Et après, il prend du white spirit pour voilà. Effacer l'encre bleue, mais il efface ça tout. Ça marche là, et puis. Pfff. Moi, et j'adore après, quand il refait le visage. Ah oui, il a redessiné. Genre ni vu ni connu, quoi. Le pif énorme. Attends, oui, le. Et moi, j'aime bien. Quand il accroche son tableau dans la chambre et quand il met les trucs pour faire caca dans le gardien. Ah oui, le laxatif, quand café. Tu mets du laxatif dans le café pour pouvoir aller réparer le tableau. En plus, il a offert au monsieur, il a offert de l'aspirine. Des laxatifs, oui. Bah, en fait, il leur a offert ce qu'il leur a piqué pour réparer le tableau. Oui. C'était rigolo. Oui, parce que là, vous parlez surtout de la fin, mais en fait, Mr. Bean, il n'y a pas que la fin, hein, y a tout un film. Oui. Où en fait, ils envoient un tableau aux États-Unis dans un musée reconnu. Oui. Et le musée en question. Il fait n'importe quoi. Oui, ça, c'est sûr. Et le musée en question, il demande à ce qu'on envoie un spécialiste avec. Et du coup, le musée anglais, il dit tiens, ça va être l'occasion de se débarrasser de Bean, on va l'envoyer avec le tableau. Et on va croiser les doigts pour qu'il revienne pas trop vite. Et en plus, au début, il y a David, il s'appelle. Comme ça, oui, ouais. Monsieur. Oui. Et il est trop content d'en avoir un. Après, il va lui poser une question. Léonard de Vinci a-t-il fait le championnat du monde de basket? Et il dit oui. Oui, bah il va vite se rendre compte que le docteur Bean, il y connaît rien du tout. En fin de compte. Vraiment rien. Ouais. Hein. Ouais. Il est docteur en bêtises, quoi. Oui, c'est ça. Et pourtant, il va en faire des miracles, Bean. Quand il y avait le monsieur qui a prévenu David non, c'était pas ça, mais quand il y avait l'agent de sécurité, il a fait tomber son M&M dans son corps. C'était ah oui, le policier qui a opéré à la fin, oui, il lance les M&M pour le manger, ça ricoche sur son masque et ça tombe dans le corps du policier. Et du coup, après, il le ramasse, il le met dans un petit. Il commence par sortir la balle qui a tué le policier, il remet la balle et il reprend le M&M. Il remet la balle et puis il l'enfonce encore plus. Et après. Et après, quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à sortir la balle, il arrive et hop, il la sort en deux secondes à la main. Oui, oui, sans regarder. Après, quand il y a Jennifer, et bah après, lui, il sait pas comment faire, et il met des trucs pour l'électricité pour réveiller. Ouais, c'est et ça. Après, il s'est mis, et là, après, il a sauté sur Jennifer. Bah, ça l'a propulsé sur celle qui était plus ou moins dans le coma, et ça l'a réveillé, oui, effectivement. En moins, c'est bien, mais même si c'est un peu. Ça doit faire brusque. Peur. Oui, c'est un peu brusque, oui, on va dire que c'est pas les méthodes conventionnelles. Et en plus au début, il le fait, mais c'est pas branché. Oui, c'est vrai. Ça marche moins bien quand c'est pas branché. Donc j'en déduis que c'est un film que vous avez beaucoup aimé tous les deux. Ouais. Beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, faut répondre, Joseph, parce que secouer la tête, ça se voit pas en podcast. Ah bah je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. D'accord. Pareil. Ok, et toi, Sixtis, qu'est-ce que t'en avais pensé? Oh bah moi je trouve ça très drôle aussi. C'est vraiment. C'est à l'image des petits sketchs qu'il fait en dehors. Quoi. Ouais, mais au début, les séries, elles étaient série, drôles. Bah moi je trouvais ça moins lourd que la série, moi. Oui. Oui, parce que la série, c'est du condensé. Donc, c'est moins long, en plus. C'est... J'aime c'est... beaucoup, moi. C'est vraiment... Là, il y a des pauses, en fait. Il y a des pauses aussi. Mais en plus, il est rare à trouver, le Mr. Bean, non? Je sais pas s'il est rare à trouver ou pas. En DVD, ça doit être trop bien de l'avoir. Et ouais, donc, peut-être. C'est un film de 97. Ouais. Réalisé par Mel Smith. Et la musique, c'est Howard Goodall. Ok, bon bah voilà, moi je me sais que j'ai été le voir au cinéma ce film-là quand il était sorti. T'aimais bien rigolé. Déjà Mr. Ouais. Bean? J'aimais bien Mr. Bean, mais au cinéma là je m'étais bidonné, il était vraiment super. Je préfère Mr. Bean à Benny Hill par exemple. Oui, bah disons que ça repose pas tout à fait toujours sur le même mécanisme de gag. Je savais pas que Mr. Bean c'était vieux. Bah oui, si, c'est assez vieux, oui. C'est 1960. Il y a le dessin animé aussi qui... Oui, il y a le dessin animé qui est arrivé bien après coup, d'ailleurs. Ouais. C'est un peu moins bien, les gros... En plus, les traits, ils sont beaucoup trop gros, je trouve. Bah, c'est un graphisme très particulier, le dessin animé. Moi, j'adore, c'est trop drôle. Moi, j'aime bien le dessin animé. Il est à l'image hyper... ça fait quelque chose de psychorigide, en fait, dans les graphismes. Improbable. Bah, et puis, le dessin animé répond à la question qui est Mr. Bean. On sait que c'est un extraterrestre, maintenant. Ah alors bon qu'avant, oui. Ah bah oui, parce qu'au début, on le voit, il sort. Au début de la série, on le voit tomber sous un lampadaire. C'est un extraterrestre qui est débarqué là. Je le pensais pas au début. Mais dans le film, par contre, il n'y a pas du tout ce côté-là. Non. Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça. C'est un extraterrestre, Mr. Bean. Non, bah, tant que ça restait dans le flou, c'était pas grave. C'est dans le dessin animé, voilà, ça a répondu à la question. Mais c'est vrai que c'est un peu moins... Ouais, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien dans les dessins animés Mr. Bean, c'est que, bah, il y a pas trop de... son, en fait, il y a que de la musique. Il parle même pas. Pour ceux qui entendent pas, bah c'est bien parce que comme ça, il peut quand même regarder. Ah, les ils peuvent suivre, ouais. Juste ouais, que j'aime pas, c'est les faux rires. Se raconter des histoires. Ah oui, il y a des faux rires, oui, mais ça, c'est des trucs des années 90, c'est des sitcoms où t'as des rires enregistrés derrière. Et en plus, comme ça, après, ceux qui n'entendent pas très très bien, bah, ils peuvent se raconter des histoires avec les images. Disons que c'est une sorte de comique où t'as pas besoin de paroles, donc c'est quand même très pratique aussi pour l'exporter à l'étranger. Sa voiture est toute verte, il aime beaucoup le vert. Oui, effectivement. Bon, bah super, bah, vous bravo. Êtes à 7 sur 7, bravo. Bravo, vraiment. Parce que là, on commence quand même à attaquer le difficile. Hein. Les trois prochains vont clairement être dur, beaucoup quand même, plus durs. Il était dur, quand même, c'est Mr. Bean. Hein. Il n'était pas très reconnaissant. Très reconnaissable. Oui. Désolé. Bon, et ben, extrait suivant, ça vous va? Oui. Ok. Je lance la 8. Allons-y. Beethoven. Ouais, ouais, bravo Loulou. Oh, un truc avec une race d'animaux. Bon bah je me Saint dis Saint-Bernard. Une espèce. J'aime pas beaucoup. Je me dis un moi. Peu amical, je me dis sur Gulli qu'on a enregistré. J'aime pas beaucoup. Beethoven, voilà. Ouais, bravo. C'est bien Loulou, c'était Beethoven, bravo. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Beethoven? Bah moi j'aimais beaucoup ce film parce que c'était beaucoup mignon et parce que déjà j'aime bien les chiens et j'aime bien cette race et j'aimais pas trop le méchant qui disait que Beethoven il était méchant. Ah oui, le méchant, le docteur, c'est un sale type. Hein. C'est le docteur Vartik. Parce qu'il a mis de la peinture sur sa main pour croire que c'était du sang et qu'il avait mordu. Du coup, après, et bah, Beethoven, il était dans une cage et ça m'a pas plu du tout. Mais c'est normal, ça a plu pas non plus. Ça plaît à personne. Moi, j'ai pas spécialement aimé. Oui, mais pourquoi alors? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah, je sais pas. Mais il n'y avait pas trop de trucs spéciaux dedans, je trouve. Bah, moi, je trouve que si. Oui, bah, t'as le droit de bien aimer. Chacun son avis. T'as le droit de pas trop aimer, effectivement. Mais après, bon, bah, c'est sympa, quoi, quand même, à regarder en famille. Il n'y a rien qui t'a fait rire dans Beethoven? Oui. Papa, d'accord. Et toi, ça t'a bien bah, plu? Bah, d'abord maman, puis après moi. Moi, il n'y a rien qui m'a fait rire. Bah, moi, j'aime beaucoup ce film. Je le trouve mignon. Je l'ai vu petite, hein. Moi, c'est sorti en 92, j'avais 10 ans. Ah, t'as vu l'âge de Joseph? Ouais. Et non, moi j'ai bien aimé parce qu'il y a des chiens, donc moi les chiens, hein, tout de suite... T'adores. Voilà. Et je trouve l'histoire très sympa, le fait qu'une famille adopte un chien qui est sorti des griffes de voyous, quoi. Mm. Ah bon? Bah oui, les il deux... Il s'échappe au départ, il s'échappe, ouais, parce qu'il est... De chez le vétérinaire, avec là. Son copain, le petit Jack Russell, qui arrive à ouvrir les caisses et qui s'échappe, voilà. Tous les deux. Ah. Donc on se dit, il a trouvé une famille, alors le père de famille, il est pas trop, il est pas trop pour, il en veut pas. Et il finit par s'attacher, mais après, il y a l'histoire avec le vétérinaire, là, qui est peu scrupuleux. Qui est un sale type, oui. Qui est un gros sale type. Et après, tellement... Après, vu qu'il adore le chien, déjà un peu pour sa famille, parce que sinon, après, il serait déçu. Et bah, après, il a laissé le fils conduire, et après, il est allé là-bas pour aller reprendre le chien. Ouais, pour sauver son chien. Parce qu'il était trop mignon, Beethoven. Ah oui, puis il y a un petit... Il y a un suspense, quoi. Enfin, c'est... C'est léger le suspense. Quoi. Oui, mais même si on regarde plusieurs fois, on est toujours... même bah, si on sait comment ça se termine. On sait très bien quand même qu'à chaque fois, le gentil, bah, il a toujours une fin heureuse. Oui, en général, oui. Et on sait toujours que le méchant... Mais on a peur bah, pour lui, quoi. On a il termine mal, le méchant. Ouais, le méchant, il termine mal. Ah bon? Ah, ouais. Je sais plus. Bah oui, parce que... Bah il prend toutes les seringues de test, il les prend tous dans le corps, et en plus, il s'est fait mordre les pompons par le petit chien. Ah oui. C'était Jack, lui, c'était ouais. Pas l'autre qui s'était fait mordre. Non, je crois que c'est lui, il est dans la totale. Et la fille, c'est dans le 2. Oui, la fille, c'est dans le 2. Après, ils sont moins bien les autres. Ils sont oui, clairement. Bah, déjà que le premier, c'est pas non plus chef-d'œuvre du siècle, mais le 2 et le 3, c'est vraiment pas terrible. Et donc, la réalisation, c'est Brian Levant. Et la musique, c'est Randy Edelman. Ouais, Randy Edelman, qui est un compositeur quand même assez connu. Là, j'ai plus de titres en tête, mais c'est pas n'importe qui non plus. Et moi, c'est un film que j'avais vu au cinéma, bah pareil à l'époque, donc en 92, je devais avoir 7 ans. J'avais beaucoup aimé au cinéma. Je sais qu'à le revoir, j'ai trouvé ça gentillet, mais bon, ça accuse son âge quand même. T'as moins aimé vu que t'as grandi quand même. Ouais, on va dire ça. Mais je trouve que ça accuse quand même bien son âge. Les rebondissements sont un peu trop. C'est un peu trop longué en fait. Tout s'étire un petit peu trop. Oui, il y a des petits. Moi, j'aime pas les films où il y a des rirements. Des quoi? Des rires, tout des court. Rires. Des rires. Il n'y a pas de rire? Non, il n'y a pas de rire dans Beethoven. Ah oui. Moi, j'aime bien la scène avec David Duchovny là. Et ah son... oui. Ça, c'est assez drôle, c'est ça, vrai. C'est très drôle. Non, il y a quand même des trois trucs qui sont plutôt sympas. Hein. Dans l'ensemble, le film est gentil, mais c'est vrai que. Ouais, pas le chef-d'œuvre du siècle. Et bon, les suites, c'est vraiment. Mais c'est encore pire. C'est un bon film familial, quoi. Ouais, vraiment. Quand on l'a revu avec les gamins parce que c'était passé sur Gulli, bah, c'est un moment sympa, voilà. On s'ennuie pas plus que ça quand même, et c'était quand même un moment mignon. Pas désagréable. Oui, c'est mignon, voilà. C'est plein de bons sentiments, il n'y a pas de... Et des fois, c'est drôle, surtout quand il se fait mordre les pompons et voilà. Qu'il a toutes les seringues. Voilà, c'est vrai qu'à la fin, t'es content, le méchant, il est quand même droit à la totale, et ça fait assez plaisir. Oui. quand bon. Même, dans les pompons, c'est pas... Ça doit faire mal. C'est pas très très chic. C'est pas très chic. 8 sur 8. On va dire ça comme ça. Oui, vous en êtes à 8 sur 8. 8 sur 8, vraiment. Il reste 2 titres et les 2 plus difficiles. Vous voulez qu'on passe au suivant maintenant ? Oui. Eh ben oui. Alors, on y va. Allez, on lance le 9. Bravo! Celle-là, elle n'était pas facile. Paddington? Ouais, c'est Paddington, c'est la musique de Paddington. Ah oui! Oui, on je vois quand il arrive au train. Enfin, exactement. Voilà, on l'a vu quand même il y a longtemps. Ouais, il y a un an ou deux. Bon, c'est pas long, hein. Quand même. Pour Lou, ça fait long, hein. Ouais, bon, c'est vrai qu'en âge de Lou, ça fait un tiers de sa vie, mais en vrai, c'est pas si long. C'est quand j'avais 5 ans. Ouais, bah oui, mais c'est pas si longtemps que ça pour nous. Enfin, et tiens, pour les gens normaux. Joseph, tu sais quand est-ce qu'il est sorti ce film? Vieux? Bah, à ton âge. Paddington, donc, 2014 oh. Et d'ailleurs, il y en a un nouveau. Il y en a deux, il y en a 3 au Pérou qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Il a l'air bien, il a l'air pas mal. Ouais. Oui, et en plus, Paddington, il est trop mignon. Oh, il fait plein de bêtises. Avec son petit chapeau. Et je me rappelle quand il a fait couler l'eau et du coup, on dirait un peu une piscine. Ouais, ah ouais. Oui, et aussi, il se lave pas les oreilles avec les brosses à dents. Si, il se lave les oreilles avec les brosses à dents. En plus, il avait un genre de canoë. Oui, ça c'est au début. C'est dans le 1 ou le 2 où il y a la fête foraine? Dans la deux. Fête foraine, c'est dans le 2. Ah ouais. Le 2 où il est en prison, où il apprend au cuisinier oh, à oui, faire de la confiture à l'orange. C'est, oui, mon aussi, préféré. C'est mon préféré. J'aime beaucoup le 2 pour ça, ouais. Il est trop mignon. En plus, j'aime bien son long manteau et le chapeau. Ah il oui. Fait trop mignon. Ça fait très anglais. En plus, ah bah oui, sur, oui. La, ah oui. Sur l'affiche du 3, et ben, il, est sur le, ben, il est sur un... parapluie et du coup j'ai eu l'impression qu'elle était un peu abandonnée dans une fontaine. Non, il est dans une forêt je crois dans le 3 parce qu'il repart oui, au Pérou. Oui, la forêt du donc, Pérou un peu tropicale. Hein. Ouais, c'est ça. Mais le pauvre, il a perdu sa maman. Non, c'est sa tante. C'est sa tante, mais je crois que justement c'est dans le 3, il retourne au Pérou pour retrouver sa tante, oui, justement. Ah. Oui, parce que son oncle est mort. Ouais, je sais plus ça. Il y a une, crois, il y a eu un tremblement de terre histoire et... de tremblement ou de choses. Ah oui, il s'est pris un arbre. Ouais. Je crois que oui, c'est ça. Et puis ils sont partis sur un rondin de bois. Lui, pour se sauver, il est parti en Angleterre avec une petite lettre et un stock de sandwich à l'orange. Ah oui, à l'orange, ils aiment bien. Mais ouais. Pourquoi d'ailleurs sa tante, elle y va pas avec elle? Bah, parce qu'elle préférait rester au Pérou, je crois. Ah, mais c'est dangereux. Ah oui, c'était plus dangereux, oui. En tout cas, ils se revoient. Oui, bah, a priori, il me semble. Et au début, enfin non, à la fin, et ben on croit que c'est la grand-mère qui arrive après la porte sur le 2. Mais non, en fait, c'est juste ses copains de prison. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est rigolo, on s'y attend vraiment pas. Dans le 2, il est rigolo avec toute la face sur la prison. Oui, et avec donc, les confitures à la marmelade d'orange. La marmelade d'orange, oui. Il lui apprend à faire ça, sinon tout est pas bon. C'est vrai. Et donc, c'est des films que vous avez aimés, alors? J'ai beaucoup aimé. En fait, moi, je trouvais que c'était mignon. Parce que déjà, c'est un peu original d'avoir pris un petit ourson. Ouais, en plus, il est trop mignon. Oui. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de raison que ce soit que des chiens, des chats, des hamsters, des lapins. Y a ouais, pas de voilà, raison. Pas un animal ouais, de vrai. Compagnie, pas un animal trop commun. Mm. Ouais, non, t'as raison. Et toi, Sixties, t'avais aimé alors Paddington ? Moi, j'ai trouvé ça mignon. C'est ouais. très original, je trouve, en plus. Bah, tu t'appelles pas Sixties, toi ? Oh. Mais c'est quand même original. Oui, c'est quand même original. Non, c'est mignon. C'est mignon. J'ai pas grand chose à dire de plus. Le graphisme est sympa, l'histoire sympa. Est cool, enfin... Ouais, moi je trouve que le doublage français, il fonctionne vachement bien, je trouve que Guillaume Gallienne en Paddington, c'était l'acteur qu'il fallait. Mais moi je trouve quand même que les dessins animés, c'est moins bien que le film. D'accord, oui, je connais pas du tout les dessins animés Paddington. Les dessins animés, je les trouve... C'est comme Garfield, quoi. C'est pas... Ah oui, ben Garfield, la réalisation, dans le film, en dessin animé, c'est pas bon. Paul King. D'accord. Et la musique, c'est Nick Urata. Okay. Moi, je trouve que c'est voilà. un truc assez mignon parce que c'est un peu poétique. Ouais, Paddington, c'est ça fait un peu poétique, oui, c'est mais vrai. C'est un peu comme l'histoire de Beethoven. Au début, il veut pas de petit ours. Et oui, c'est vrai. Bah, en plus, les ours, en général, font plus de dégâts que les chiens dans les maisons. Et oui. Bon, même si Beethoven, quand même, il fait oui, aussi même beaucoup si de Beethoven fait moins et dégâts. Et je crois que dans le 2, le Beethoven, bah, il fait beaucoup de bébés. Ouais, il a des petits, ouais, dans le 2. Ah oui, c'est trop drôle. Après, il cite tous les prénoms. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu comme à la fin des 100 Dalmatiens, ouais, du coup, à la ça. Fin de Beethoven 2. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bon, bah, très en bien. En tout cas, bravo. Bravo, hein. 9 sur 9. 9 sur 9. Parce que le sans faute. Il faut juste que vous trouviez le dernier. Le dernier, il est coton. Hein. Le dernier est un peu plus difficile. Est-ce que c'est un récent ? Oui, c'est un film récent. Si le dernier, on arrive, on sera comme Ron. On ouais, y arrive. Vous serez ouais, aussi exactement. Bon que Ron. Voilà. Est-ce qu'on l'a vu il y a longtemps ? Non, mais attends, on va le lancer. Puis non, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Il est très dur. Le film est récent. Allez, je lance le dernier. Ouais, oui bien. En plus avec le titre original. Bravo. C'est quoi le titre français? IA? Non. Non, oui. C'est Blue et Compagnie, le titre Company. De merde. Ah oui, Blue et Compagnie, toi. Il est nul. Toi qui disais que tu voulais bien, pas. Oui, le titre. Toi que tu voulais pas le regarder, ben on a bien fait d'insister. Je l'ai trouvé. Ouais, bravo. Je l'ai trouvé rapidement. Ouais, Yves. Celui-là, il était pas on est comme Rhône maintenant. Ouais, vous êtes comme Rhône. Oui, oui, oui. Voilà, maintenant, je vais plus vous appeler les relous, je vais vous appeler les renous. Bravo, franchement, bravo. Avec le titre original, là. Ouais, et ouais. En plus, j'ai trouvé assez rapidement. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, Joseph, qu'est-ce que tu peux nous dire sur If? Bah, c'est un film avec des amis imaginaires. Ouais. Et en gros, il y a une petite fille qui s'appelle Emily, je crois. Ça, je sais plus. Je crois que la fille, elle s'appelle Emily. Et au début, et bah, elle voit un monsieur qui s'appelle Calvin. Et puis, elle va l'aider à rendre les amis imaginaires qui sont dans un peu un monde fantastique. Ouais. À leur propriétaire, et puis à la fin, ben, on va découvrir que Calvin, en fait, c'était son ami imaginaire. À elle. À elle. Ouais. Bon, fallait peut-être pas dire la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, en même temps, c'est grillé dès le premier quart du film, on s'en doute un et peu. Et déjà, tout ce qui est en DVD, ben, déjà, on peut voir un peu... En général, on essaye de pas spoiler, mais bon. Mais en plus, c'est bizarre parce que le nom du film... C'est pas le nom du personnage principal. Bah non, non, c'est pour ça que Blue et compagnie, c'est un nom de merde, c'est un nom pour vendre des menus Happy Meal. Un nom pas terrible. Oui, un nom pas terrible, mais c'est pour un nom pour vendre pour des les menus noms Happy Meal. Bah ouais, c'est ça, alors que le nom, le vrai nom If est quand même ça veut Imaginary quoi Friends, donc ami imaginaire, et autrement en anglais, If, ça veut dire si, dans le sens et si. Et si les amis imaginaires étaient là, et si ça se passait de cette manière, etc. Et si j'avais un... Donc c'est quand même un petit peu plus poétique que Blue et compagnie, alors que Blue, en fin de compte, c'est un personnage comme un autre. En plus, il est violé. Oui, enfin bon... Oui. Oui, il est violé, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Et on dirait Grimace de chez McDo, d'ailleurs, Blue. Oui, oui. Donc, ouais, le titre français, c'est une grosse erreur. McDo, c'est un recopieur McDo. Alors non, parce que Grimace de chez McDo, il est là depuis plus longtemps que... Il est là depuis 1900. Ah, mais bah alors Blue, c'est un recopieur. Voilà, non, mais c'est alors pas... Alors qu'il est même pas bleu. Oui, en plus, il est pas bleu. Mais oui, bon, ça, c'est une erreur. Mais sinon, le film est quand même très, très bien. T'as vu, en plus, avec le nom anglais, parce que j'avais oublié le nom français. Ah, je me rappelais. C'est bien, bravo. Il y avait le chamallow. Oui, il y a aussi le chamallow qui est toujours en train de fondre. Il y a la bulle. Il y a une bulle, je crois. Oui, il y a une bulle, ouais. Il y a la petite coccinelle. Il y a la coccinelle, le mélange entre une coccinelle et Betty Boop, un peu, oui. Ah oui. Attends, il y avait qui d'autre? Il y avait plein. Il y avait plein. Ouais, il y a une espèce d'agent secret invisible, tu me vois, ah, tu oui me vois plus. Enfin, il y avait. Avant, y avait ils vont un même chamano dans le monde des amis imaginaires. Ah ben oui, oui, avec la maison. Et là, ils choisissent le parquet et ouais, tout. Ah, ça il y avait un nounours, une licorne. Oui, il y en a plein. Ah oui, ouais. Le nounours, c'est le roi des. Enfin, un peu le maître. Mais oui, il y a beaucoup d'amis imaginaires. C'est vrai que c'est un film qui est quand même très très mignon. Et toi, oui, tu voulais pas que... le voir. Hein. Ouais, je, franchement, et touchant. Je dis rien. Ouais, il est touchant. Bah parce après, c'est disent... un film sur le deuil quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'ils disent que bah ils ont perdu leur maître. Oui, puis bah par exemple la petite fille, si coup, elle connaissait déjà le voisin Calvin, c'est parce qu'il était déjà là quand elle avait perdu sa mère. Ah, et ah si oui, elle c'est le vrai retrouve, c'est parce que son père est à l'hôpital. Et du coup, elle décide de tous les adopter, mais ou de les sauver plutôt que de les adopter. Oui, c'est ça. De les sauver, et du coup, après, il demande à tous les ennemis imaginaires de venir, et quand ça entend du chamallow, j'ai beaucoup ri. Ah oui, oui, ça t'avait fait rire, le chamallow. Avec l'œil qui coule, hein. Et la bulle, elle éclate. Bah oui, oui, bah c'est une bulle en même temps. Bon, et toi, Sixtis, qu'est-ce que t'en avais pensé? Oh bah moi, j'ai adoré. Vraiment, ça m'étonne pas. Je voulais aller le voir au cinéma, on n'a pas pu, on l'a regardé tranquille à la maison, vraiment super film. Une soirée film là, c'était trop bien le revoir, mignon. On l'a vu qu'une fois. On du l'a coup vu qu'une fois, ouais. Ouais, mais très très très bien, super histoire. Incroyable. Ouais, vraiment très, très, très beau film. Toi tu l'aimes. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Mais moi, toi, ce au début, pourquoi tu voulais pas le voir? Même le corbeau, il l'a bien aimé, tu vois, c'est dire. Pourquoi tu voulais pas le voir, papa? Parce que ça m'intéressait pas. Même si le corbeau... Je trouvais que ça avait l'air d'un sous-monstre et compagnie, avec un acteur qui, en général, m'agace, donc... C'est qui? Ryan Reynolds. Mais en vrai, t'as dit... C'est celui qui fait Calvin. Ouais, c'est ça. Même c'est celui toi qui fait Deadpool, dit... tu vois. Même toi, ah, t'as dit pas que c'était mignon. Plus que ça. Ouais, non, mais c'est en fait, le film est très mignon, et même Ryan Reynolds joue bien dedans. Et la réalisation, c'est John Krasinski. John Krasinski, celui qui a réalisé aussi Sans un bruit. C'est ça, qui n'a rien à voir, du coup. Ah non, ah, et oui, qui jouait dans The Office, qui n'a rien à voir non plus. Ouais. C'est vrai et qu'il la musique, dit. C'est Michael Giacomo. Giacchino. Giacchino, pardon. Giacomo, ça fait bizarre. Oui, Giacomo, c'est dans Scooby-Doo 2. C'est un des méchants de Scooby-Doo 2. Oui. J'ai mélangé les noms. Un petit clin d'œil. Voilà. Et Giacchino, c'était un compositeur de jeux vidéo avant, particulièrement. 10 sur 10. Donc, vous avez réussi le 10 sur 10. 10 sur 10, bravo 10 à vous. Vraiment, bravo. Et avec très peu d'indices, hein, parce que hors micro, pendant la diffusion des musiques, de temps en temps, on échange quand même un petit peu, comme on fait avec les autres invités. Oui, est-ce qu'on mais, l'a en DVD? Des fois, on parle d'années ou de dire si on l'a en DVD à la maison. Est-ce ça s'est arrêté là, les indices. Et en plus, maintenant, tu vas nous appeler les Rounous. Voilà, les Rounous. Les Rounous. Voilà. Est-ce que Ronnie bon, Ron, a tout trouvé? Ron, la descendance est assurée. On espère que t'as eu un 10 sur 10 aussi, hein, parce que là, c'était facile. Et en plus. Non, même... c'était pas facile. Bah, si, vu que non, les enfants, ils ont trouvé. Les enfants ont trouvé et Ron, il arrête pas de dire que c'est trop facile. Alors, j'espère qu'il a 10 sur 10, sinon alors, la réputation imagine, va en souffrir. Imagine, ouais. Il a 1 sur 10. Ah oui, s'il a 1 sur 10, c'est honte. Il a que le dernier, là. Voilà, donc mais Ron, on te charrie beaucoup parce que t'es le prochain invité quand même. Alors, prépare-toi. C'est quel celui que t'as pas trouvé, maman? If? Si je l'ai trouvé. Non, If, non, tu l'as. Non, je l'ai pas trouvé. Ouais. Mais on les a pas écoutés en entier non plus. C'est juste quand on a listé les 10 pour mettre les difficultés. Au bout de 10-15 secondes, si maman elle avait pas, on disait bon, bah celui-là il est plus difficile alors. Et puis, il y en voilà, a peut-être tout. Deux ou trois que j'ai pas trouvé. Hein. Ouais. Bah, Paddington, If et Beethoven. C'est pour ça que Ah, Beethoven, je l'ai trouvé. Oui, on a laissé beaucoup plus longtemps pour que tu le trouves. Oui, mais quand même. C'est pour ça qu'on les a mis plus loin. Pourquoi au premier tu m'as pas laissé 10 secondes? Bah parce qu'au premier c'est voilà. Après on t'a laissé un peu de temps puis après il y a que pour Mario qu'on t'a laissé 10 secondes parce qu'après vous étiez à égalité tous les deux donc quand Pénal t'as trouvé. Quand même on l'a trouvé assez rapidement le dernier hein. Ouais mais pour revenir à Loulou ceux que t'as trouvé on n'a pas demandé à Jojo de te laisser 10 secondes cette fois hein, donc comme c'est bien Scooby-Doo, toi qui les as trouvés. Joseph il avait pas trouvé. Ouais du coup, voilà. Il a dit Scooby-Doo, j'ai dit Scooby-Doo. Voilà. Bon, en tout cas bravo à vous 10 sur 10 bravo. C'est très très bien. C'est parfait. J'espère que les auditeurs se sont bien amusés aussi si avec nous. Si on bat tout le monde ce serait trop bien. Ouais mais c'est pas sûr quand même là. Oh. Imagine, Ron, il a 0 sur 10. Non, on va laisser Ron tranquille, mais je pense pas qu'il ait 0 quand même. Le pauvre, il se fait torturer. Mais voilà, donc j'espère que tout le monde s'est bien amusé aussi, que vous j'espère avez qu'on des l'a scores. Battu. N'hésitez pas à nous donner vos scores sur les réseaux sociaux, ouais. Si jamais... Bon, pour rigoler, quoi, tout simplement. Et puis, on vous dit, du coup, on se retrouve au mois de septembre. Oh, voilà. Déjà, non. Non, non, mais pas vous, juste moi et Sixties. Oui, je sais, mais c'est dommage quand même. À bientôt. On refera des sessions. On en refera des sessions, c'est bon. Oui, on refera le Disney. On verra. On verra. Bon, et ben sur ce, en tout cas, salut à tous et on se retrouve au mois de septembre. Bonne vacances au mois à de septembre. Tous. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. N'oubliez pas d'écouter Galaxy Pop. Écoutez Galaxy Pop. Ah, vous faites Galaxy Pop. Attends. À 3. 1, 2, 3. Galaxy Pop. Allez, salut à tous. Salut. À la prochaine. Salut. Au revoir. Il y a des jeux qui ne nous quittent jamais, même quand on les a rangés au fond d'un placard ou oubliés sur une vieille sauvegarde corrompue. Ils restent là, comme une musique d'écran-titre qu'on n'a jamais vraiment cessé d'entendre. Alors Nostalgeek, c'est un podcast mensuel pour celles et ceux qui aiment se souvenir. Se souvenir d'un pixel mal aligné, se souvenir d'un doublage un peu foireux, se souvenir d'un frisson, un vrai, devant un boss qui n'avait pourtant que 3 polygones, mais qui nous paraissait immense. Tous les mois, on rouvre ensemble les boîtes à souvenirs. Dawn of War, Dark Souls 2, Hard West, on y plonge sans jugement, avec tendresse, parfois avec humour, et surtout avec cette envie de comprendre pourquoi ces jeux-là, eh bien, nous ont marqué à ce point. Nostalgeek, c'est un podcast Galaxy Pop, un rendez-vous audio pour les vieux joueurs, les jeunes curieux et les cœurs un peu geeks. Abonnez-vous ou venez écouter ce que la mémoire a laissé allumer.